الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد تحدثنا في الدرس السابق عن وقعة عظيمة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الإسراء والمعراج. La semaine passée, nous avons évoqué, nous nous sommes rappelés un événement majeur de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم qui est l'Isra ou l'Mi'raj, l'ascension, ou plutôt le voyage nocturne, puis l'ascension. والإسراء هو السير من الليل أو في الليل أو بالليل. الإسراء c'est le voyage de nuit. Le prophète صلى الله عليه وسلم a effectué ce voyage de nuit sur Al-Buraq accompagné de Jibril alayhi salam ila bayt al-Maqdis fasalla bil-anbiya thumma 'urija bihi إلى سماء الدنيا ثم الثانية إلى السابعة إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى فأمر ربه عز وجل بخمسين صلاة ثم خففت Il a donc voyagé de Mecca إلى بيت المقدس à prier, à précéder la prière pour les prophètes عليهم الصلاة والسلام. Puis il a été élevé au ciel de ce bas monde, puis au second, puis au troisième, jusqu'au septième. Et il a rencontré les prophètes, des prophètes, des messagers, jusqu'à dépasser le septième ciel, jusqu'à Sidratul Muntaha, jusqu'à l'endroit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a permis d'atteindre. Aussi Allah Azza wa Jal lui a ordonné 50 prières et au final ça a été allégé au nombreux. De cinq, au nombre de cinq prières. Et nous avions cité certaines masa'il, certaines questions religieuses. Combien de fois a eu lieu l'Isra al-Mi'raj? Al-Mi'raj a été effectué de quelle manière? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant al-Mi'raj, a vu son Seigneur ou non? Et d'autres questions qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis d'étudier. قال المؤلف رحمه الله تعالى والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر الناظم ابن أبي العز رحمه الله تعالى nous parle de la première allégeance faite par les Ansar au prophète صلى الله عليه وسلم en nous disant walbay'atul ula, la première allégeance, car il y en a eu plusieurs, ma'athnay ashara, avec 12 personnes, min ahli taybatin kama qad dhukira, par les gens de Taïba. Taïba est un des noms de Al-Madina. Taïba est un des noms de Al-Madina, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ba'da الإسراء والمعراج ما انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله سبحانه après l'Isra والمعراج et les nombreuses épreuves vécues par le prophète صلى الله عليه وسلم il ne s'est pas arrêté de prêcher d'appeler les gens à Allah تبارك وتعالى bien au contraire il utiliser toutes les causes et tous les moyens permis afin de propager la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'être une cause de guider pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arada nafsahu على القبائل. Donc le point suivant dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est le fait qu'il faisait le tour des tribus. Il s'adressait aux différentes tribus afin d'avoir une aide et afin d'avoir une protection par laquelle il pourra transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala en sécurité. فاستمر عليه الصلاة والسلام في دعوته. Donc il a continué à propager le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il cherchait des secoureurs, tout cela, pas pour sa personne, mais pour l'humanité, pour transmettre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَكَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ وَفِي مَجْمَعِهِمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait dans leurs assises, il les invitait à l'islam, il cherchait un soutien, il allait dans les marchés, il venait durant le Hajj, il venait durant Al-Hajj rencontrer les chefs de tribus. Tout cela pour chercher un soutien. Et il disait aux gens, هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا مَعْنَعُونِي فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour des tribus et disait, est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui va accepter de m'amener à sa tribu, car certes, Quraysh m'ont empêché de propager la parole de mon Seigneur. Comme le rapporte Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu inda Abi Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait à la rencontre donc des chefs de tribu pour chercher ce soutien. Wa kana yamshi wara'ahu 'ammuhu Abu Lahab. Et Abu Lahab, son oncle, marchait derrière lui. Il le suivait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de transmettre la parole de son Seigneur. Et il leur disait, la tusaddiqou. Et il leur disait, ne le croyez pas. Et il l'insultait et lui jetait des pierres. Wal'iyadu billah. Il mettait en garde contre lui. Il avertissait les tribus arabes du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur disait, هَذَا يَدْعُوكُمْ إِلَىٰ أَن تُفَارِقُوا دِينَ آبَائِكُمْ. Il leur disait, cette personne vous appelle, ne l'écoutez pas, elle vous appelle à sortir de la religion de vos parents, de vos ancêtres. Et si vous le suivez, vous allez délaisser Al-Lat et Al-Uzza. Et ici encore dans Tariq et dans Sirah, on voit encore et toujours le sens du Tawhid et le sens de la ilaha illallah. Et que ces gens-là avaient compris le sens de la ilaha illallah, que le fait d'entrer en islam signifiait le fait de délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Non pas le simple fait d'adorer Allah. Ça ne suffit pas d'adorer Allah, il te faut adorer Allah, certes, mais seul et d'un culte sincère, et renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Sinon, cette adoration ne sera pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد. Car l'adoration n'est acceptée qu'avec le monothéisme pur. Aussi, la réponse des différentes tribus, na'am, a été différente d'une tribu à une autre. Certaines tribus ont rejeté de la manière la plus mauvaise le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres lui ont simplement refusé sa demande et d'autres lui ont répondu favorablement. Et d'autres lui ont répondu favorablement. Fa min hadhi al-qaba'il allati raddat 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi raddin qabih banu Hanifa. Parmi les tribus qui ont rejeté l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la plus mauvaise manière, il y a Banu Hanifa, il y a Kindah et d'autres. Il y a également des tribus طمعت في ميراث النبوة D'autres, parmi les tribus, ont souhaité secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à, en contrepartie, avoir une part de dunya. En contrepartie, en échange, ils voulaient une part de dunya. Kabani Amir. Kabani Amir ibn Sa'sa'a, cette tribu, Na'am, un homme parmi eux, a dit, il se nomme Ibn Faris, a dit, Wallahi, لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به لأكلت به به العرب. Un des responsables de ces tribus a quelque peu adhéré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a su qu'Allah tabaraka wa ta'ala allait l'élever et lui donner la suprématie. Mais il voulait une part. Il voulait une part, c'est-à-dire il lui a dit لِمَنْ يَكُنُ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِكَ. Après ton décès, à qui reviendra cet ordre-là? Après ton décès, à qui reviendra la responsabilité de tout ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Al-amru lillah ». Il lui a dit cet ordre tout entier « Al-amru ilallah ». Tout cela revient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala yada'u haythu sha. Et il le met où il le veut. C'est pas un héritage. Non, c'est pas un héritage de père en fils ou autre, non. Mais c'est Allah Azza wa Jal yastafi min ibadihi man yasha. C'est Allah qui élue. C'est Allah qui élève. C'est Allah qui choisit qui il veut parmi ses serviteurs. Lorsque cette tribu a entendu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit falasna bihaja ila ma tad'u ilayhi idhan. Ils lui ont dit alors nous n'avons pas besoin de ce à quoi tu nous appelles. C'est-à-dire qu'on va sacrifier nos personnes. On va te protéger et on va subir un lourd tribut, tout cela pour qu'après nous ne soyons pas les héritiers de cette affaire. La hajat ala nabi amrik. Nous n'avons donc aucunement besoin de ce à quoi tu nous appelles. Wa fil qissati dha'fun. Il y a aussi certaines personnes qui ont accepté, comme la tribu de Hamdan. Un homme a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam cherchait donc des secoureurs. Cet homme a dit, moi je t'accorde ce que tu demandes. Le prophète sallallahu alayhi wassalam lui a demandé, est-ce que ta tribu est forte? Est-ce que ta tribu a la capacité de supporter cela? Alors il a répondu oui. Puis il a hésité. Comme s'il se demandait est-ce que son peuple allait suivre? Est-ce que sa tribu allait suivre? Il lui a dit, laisse-moi du temps et je reviens l'année prochaine te donner yani cette réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la kadhalik. Naam, il lui a accordé ce délai. Illa anna Allah subhanahu wa ta'ala arada al-khayra wa al-sharaf. Naam, wa al-sabq lil-ansar. Si ce n'est qu'Allah azza wa jal a voulu l'élévation, la noblesse, et que la première place soit prise par Al-Ansar. Fafi shahri Rajab ata wafdul Ansar. Dans le mois de Rajab, une des tribus parmi Al-Ansar sont venus à Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, parcourait les rues de Mecca, les marchés, les assises, et leur disait, Ayyuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Il leur disait, oh vous les gens, dites la ilaha illallah et vous obtiendrez la réussite. Rawahu Ahmed. Fahadihi da'watu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voici le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Appelez les gens à adorer Allah d'un culte sincère. Wa hadhihi ad-da'wa hiya da'watu jami' al-anbiya' war-rusul min ladun Nuh عليه السلام إلى خاتمهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Donc tout le prêche de l'ensemble des prophètes et messagers était basé sur ce fondement, appeler les gens à la ilaha illallah et leur expliquer les droits de cette parole. Et tu trouves, Naam, à notre époque des gens qui se réclament de la prédication et qui n'ont aucune connaissance de cette parole, ni n'invite les gens à cette parole. Et ceux qui invitent les gens à cette parole de manière générale sont très nombreux. Mais ceux qui invitent les gens à cette parole de manière détaillée, puis qui supportent et endurent avec science et endurance sur ce chemin-là, ils sont très peu. Et ces gens-là sont les héritiers des prophètes. Haqqan wa sidqa. Ces gens-là réellement sont les héritiers des prophètes et des messagers. Lorsque tu dis aux gens, de manière générale, il faut adorer Allah, il faut faire la prière pour Allah, tout le monde dit oui. Naam. Mais lorsque tu détailles, tu expliques ce qu'est Tawhid bi tafsil, et tu expliques ce qu'est Ashirk bi tafsil, à ce moment-là, il y a des détracteurs. Il y a des gens qui rejettent une partie de ce prêche, des gens qui tentent de mettre fin à ce prêche, des gens qui combattent ce prédicateur. Wa hakadha, wa inna lillahi, wa inna ilayhi raji'un, wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. وكان الناس يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذكره شاع. Et les gens mettent en garde contre la meilleure créature d'Allah تبارك وتعالى, contre le prophète صلى الله عليه وسلم, avant même que l'un d'entre eux arrive à Mecca, il avait déjà entendu de mauvaises choses et al-isha'at, des rumeurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de ceux qui sortaient du Yémen ou d'autres endroits. يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ مِنْ بَلْدَتِهِ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ إِحْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشِ إِحْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشِ. Les gens voyageaient pour venir au Hajj ou pour venir à Mecca, نَعَمْ وَلِزِيَارَةِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. On leur disait, faites attention au jeune homme de la tribu de Quraysh. Attention qu'il ne vous fasse pas sortir de votre religion. Yani comme si eux étaient sur le haqq et qu'ils devaient rester fermes. Na'am. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam égaré, hachahu dhalik, et que lui allait les faire sortir de cette droiture. Na'am. Wa la talbisu al-haqq bil batil. Na'am. Il tente de corrompre la vérité et de mélanger le faux au vrai et le vrai au faux, afin de tromper les gens qui n'ont pas étudié. Afin de tromper les gens qui n'ont pas étudié. Il disait donc, faites attention, prenez garde, il y a un homme là-bas qui est un jeune homme de Quraysh, il se nomme Mohammed, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas lui prêter oreille, et ainsi de suite. Na'am. Lakin idha radallahu bi qawmin khayr, na'am, fala maraddalah. Si ce n'est que lorsqu'Allah Azza wa Jal veut un bien pour des gens, personne ne peut le repousser. يخرج الحي من الميت والميت من الحي. Allah Azza wa Jal fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Wallahu al-musta'an. فجاء وفد الأنصار كما في حديث جابر رضي الله عنه. Les Ansar sont arrivés à Mecca et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a exposé son prêche et ils l'ont accepté. Comme ils nous le disent eux-mêmes, nous lui avons accordé asile et nous l'avons cru. Ils lui ont donc prêté allégeance. Qui sont les Ansar? Ansar, ça veut dire secoureur. Al-Ansar, hum sukkan al-Madina. Medina ti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar, ce sont les habitants de Médine. Na'am. Ta'ifatan azimatan qabilatan kabiratan. Huma al-Aws wal-Khazraj. Wal-Khazraj akbar wa akthar adada min al-Aws. Al-Ansar se compose majoritairement de deux grandes tribus qui sont al-Aws et Al-Khazraj. Al-Aws et Al-Khazraj. Avant cela, je viens de me rappeler une correction que je devais faire lorsque j'ai cité le verset de Suratou Ali Imran. Si mes souvenirs sont bons, j'ai commis une erreur la semaine passée. J'ai dit Al-Anbiya au lieu de Al-Nabiyyin. Naam. Al-Anbiya au lieu de Al-Nabiyyin. Naam. dans sourate An-Nisa. طيب. ماذا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et moi, probablement, j'ai dit Anbiya au lieu de Nabiyin, comme un frère m'a fait la remarque. Et un deuxième point concernant Ma'ashitatu binti Fir'aoun, celle qui peignait la fille de Fir'aoun. Cela, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une bonne odeur, c'était dans le Mi'raj. Na'am, c'était probablement dans le Mi'raj. Est-ce que c'est dans le Mi'raj ou au paradis? يعني نسيت على كل حال on revérifie, chacun vérifie ce point là. بارك الله فيكم. Donc Al-Ansar se compose de Al-Aus qui est une grande tribu et Al-Khazraj. وكان بينهما الحروب المستمرة. Et il y avait entre ces deux grandes tribus une guerre qui était continuelle. Il y avait une grande inimitié entre ces deux grandes tribus, Al-Aus ou Al-Khazraj, et tous deux sont de Al-Madina. Et il y a une guerre qui est très connue, qui s'appelle Bu'ath. Et en réalité, c'est l'endroit dans lequel a eu lieu cette guerre. Et de grands dirigeants de ces tribus sont décédés. Na'am harb Bu'ath. Bu'ath, c'est un endroit. C'est l'endroit dans lequel a eu lieu cette grande guerre entre ces deux grandes tribus, Al-Aus et Al-Khazraj. Na'am Al-Aus et Al-Khazraj. Et l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité cet endroit-là dans un hadith de Aïcha, ou cette guerre-là dans un hadith de Aïcha. رضي الله عنها dans lequel elle nous dit كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كما قالت. Elle nous dit que le jour de بعث c'est un jour qu'Allah عز وجل a avancé pour le prophète صلى الله عليه وسلم. Ça a été une cause de bien pour lui. Pourquoi? Parce que durant cette bataille, de grands dirigeants de ces tribus-là sont décédés. Et ces gens-là empêchaient leur peuple de croire. Et ces gens-là n'avaient pas répondu favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là est décédé par exemple Huveyr. Huveyr, c'est le père d'un compagnon qui s'appelle Usayd radiallahu anhu. Et c'était Sayyidul Aus. Naam. Donc Huveyr était le chef de la tribu de l'Aus. Durant cette bataille, il est décédé. Durant cette bataille, il décéda. Il y a également eu Amr ibn al-Nu'man. Amr ibn al-Nu'man, al-Bayadi, lui c'était Sayyid al-Khazraj. Amr ibn al-Nu'man était Sayyid al-Khazraj. C'était le chef de al-Khazraj. Ces deux-là sont décédés durant cette grande bataille. Qui est-ce qui a remporté cette bataille? Qui est-ce qui a remporté cette bataille? في أول أو في بداية المعركة كانت الغلبة للأوس. Au début de la bataille, c'est الأوس qui ont pris le dessus. ثم انتصرت الخزرج على الأوس. Puis la victoire fut donnée à الخزرج. Au final, les Khazraj l'ont emporté. Ils étaient plus nombreux que Al-Aus. Et dans certains hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a rappelé cette époque-là. Il leur a rappelé cette époque-là lors du retour de la bataille de Hunayn, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est parvenu certaines paroles. Lorsqu'il a partagé le butin qu'il a donné beaucoup aux nouveaux ou à certains chefs, certains parmi les Ansar se sont étonnés. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup sacrifiés. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une grande part? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis et il leur a dit Alam ajidkum dhullalan fahadakum Allahu bih. Ne vous ai-je pas trouvé égaré et par moi Allah vous a guidé. Par moi Allah vous a guidé. La situation, en rappelant la situation dans laquelle ils étaient avant qu'il ne les appelle à l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Donc Harb Bu'ath a eu lieu quelques années avant l'Hijra. A eu lieu quelques années avant l'Hijra. Certains ont dit Khamsu sanawatin qabla al-Hijra. Cinq ans avant l'Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madinah. Comment est-ce que les Ansar ont entendu parler de l'islam? Comment est-ce que les Ansar ont entendu parler de l'islam? Il y a deux causes. Ils ont entendu qu'un prophète allait sortir dans ces environs, dans cette période. D'où est-ce qu'ils ont su cela? Parce qu'à Médine, il y avait Ahlul Kitab. À Médine, il y avait les gens du livre. Na'am. Qui avaient l'héritage de Moussa alayhi salam. Et on annonçait la sortie imminente d'un prophète qui allait dire la ilaha illallah et qui allait appeler les gens tawhid. Et ces gens du livre parlaient aux Ansar, et les Ansar, les Quraysh et autres, eux, ils n'étaient pas Ahlul Kitab. Kanu wathaniyin, c'était des polythéistes. Ils adoraient qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ils adoraient Lat et l'Uzza et autres. Alors que les gens du livre, eux, étaient sur, yarhamukallah, étaient sur une voie puis par la suite qui a été falsifié. Mais ils avaient, yani, kanu ahla kitab. Ils avaient un livre, ils avaient du ilm. Donc ils citaient cela, ils citaient la sortie d'un prophète proche. Mais la grande cause est que sa'atil aus li muhalafati quraish didda al amada al khazraj. Mais la grande cause, pour laquelle ils sont venus à Mecca, et par la suite, on a donc entendu parler de l'islam. C'est que, comme vous l'avez entendu, il y a eu ces nombreuses batailles entre l'Aous et le Khazraj. Alors, certaines personnes de l'Aous ont voyagé à Mecca. Ils ont voyagé à Mecca. Pourquoi? Pour demander une alliance à Quraysh. Contre qui? Contre leurs ennemis déclarés le Khazraj. Donc, ils sont venus à Mecca. Et ont demandé aux gens de la Mecque de s'allier à eux. Et de leur accorder le secours contre Al-Khazraj, qui eux étaient, comme nous l'avons déjà cité, plus nombreux. Faqadima Abul Haysa Anas ibn Rafi' fi wafdin min bani Abdil Ashhal. Donc, un homme dont la connaît Abul Haysa et le prénom Anas ibn Rafi' est venu avec un groupe. Il fait partie de l'Aus. Il est venu avec un groupe dans ce but-là. Faire une alliance avec Quraysh et leur demander le soutien contre eux pour battre Al-Khazraj. Fasami'a bi qudumihim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a entendu leur venue. Il a su qu'il y avait un groupe des habitants de Médine. Fa arada an yukallimahum. Jalasahum. Da'ahum. Jalasahum. Wa da'ahum ila l'islam. Wa bayyana lahum l'islam. Watala alayhim al-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à leur parler. Il a pris place avec eux. Il leur a expliqué ce qu'est l'islam. Il leur a lu al-Qur'an. Et il leur a dit, donc eux sont venus pour chercher une alliance. Il leur a dit, Hal lakum ila khayrin mimma ji'tum bih. Ne vais-je pas vous inviter à meilleur que ce que vous êtes venus chercher ici? Eux étaient venus chercher quoi? Ils sont venus chercher une alliance, sont venus chercher la force, sont venus chercher le nombre pour battre Al-Khazraj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous invite à meilleur que tout ça. Je vous invite à meilleur que tout cela. Ils lui ont dit, wa madha, quelle chose? Il leur a dit, inni rasulullah. Il leur a dit, je suis le message d'Allah. Ba'athani ila al-ibad. Il m'a envoyé à l'ensemble des serviteurs. Ad'uhum. Afin que je les invite, il a un yabudullah, wala yushriku bi shayna. Afin qu'ils adorent Allah sans jamais rien lui associer. Wa anzala alayya kitaban. Et il m'a révélé un livre. Il m'a révélé al-Qur'an. Il a récité le Qur'an. Ce qui était l'islam, il a récité le Qur'an. Parmi les plus jeunes de ce groupe qui est venu parmi Al-Ansar, il y a un homme qui se prénomme Iyas ibn Mu'ad. Iyas ibn Mu'ad. C'était le plus jeune d'entre eux. C'était le plus jeune d'entre eux. Et un de leurs chefs est Abu al-Haysa. Lorsque Iyas ibn Mu'ad a entendu cela, alors qu'eux étaient venus pour chercher une alliance, il a dit à son peuple, « Hey, qawm, oh mon peuple, hadha wallahi khayrun mimma ji'na bih. » Il a dit à son peuple, « Oh mon peuple, à sa tribu, ma tribu, wallahi, que ce à quoi il nous appelle est meilleur que ce que nous sommes venus chercher ici. » Il les a invités à accepter le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Wa kana ashar al-qawm. » Wa kana ashar al-qawm. C'était le plus jeune d'entre eux. « Fantaharahu Abu al-Haysa. » Abu al-Haysa l'a réprimandé. Et peut-être même qu'il lui a mis un coup. Et il lui a dit de ne pas se prononcer dans cette affaire et de ne pas de ne pas venir dans cela, de ne pas parler dans cela, de ne pas accepter cela. Na'am. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taraka. Alors le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il s'est séparé d'eux. Wa hum raja'u ila al-Madina. Quant à eux, ils sont revenus à Médine. Et c'est à ce moment-là, lors de leur retour, qu'il y a eu la grande bataille qu'on appelle Bu'ath. Et dans cette bataille, plusieurs sont décédés. Et les savants ont divergé. Est-ce que Iyas ibn Mu'ad s'est converti? Parce qu'on rapporte qu'au moment de décéder, il faisait du dhikr ou bien il disait « La ilaha illallah ». La ilaha illallah, yani, il adhérait au prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والله أعلم وفي السنة الحادية عشرة puis en l'an 11 c'est-à-dire deux ans avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam جاء وفد آخر إلى مكة. En l'an 11 de l'hégire, il y a une deuxième délégation des Ansar qui est venue à Mecca. Qui est venu à Mecca. وعددهم ستة نفر. قال آخرون ثمانية. Ils étaient combien? Ils étaient six. Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, me dit qu'ils étaient six. D'autres ont dit non, ils étaient huit. D'autres ont dit non, ils étaient huit. À la kulli hal, ces gens-là faisaient partie de la tribu de Al-Khazraj. Ces gens-là faisaient partie de la tribu de Al-Khazraj. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. Le messager صلى الله عليه وسلم les a rencontrés et les a invités à l'islam et il leur a récité le Coran. Et ici on voit que da'iya, le prêcheur, il ne faut pas qu'il soit un conteur, quelqu'un qui raconte que des histoires. Na'am. Quelqu'un qui tente de faire bouger les cœurs avec toutes sortes d'exhortations sans distinguer l'authentique de ce qui ne l'est pas, ou ce qui contredit la croyance de ce qui ne la contredit pas. Non. Certains parmi ceux qui font beaucoup d'exhortations et dont le discours n'est pas assez scientifique utilisent tout ce que bon leur semble pour toucher les gens. Leur seul but, c'est que les gens entrent dans cette vérité, peu importe le moyen. Et en réalité, ils font sortir peut-être les gens d'un mal vers un autre mal. Ils font sortir les gens d'un mal vers un autre mal. Na'am. Peut-être que certaines personnes sortent du kufr, par exemple, pour rentrer dans le bid'ah, pour rentrer dans l'innovation. Et ils te disent, non, il ne faut pas parler de cela, il ne faut pas, en gros, il faut cacher certaines vérités pour ne pas repousser les gens. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hada dinullah. Na'am. Walladhi shara'ahu. Faman aralahu. دخل فيه. نعم. Celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, il y entre. Amma que nous mettions à altérer le haq pour plaire à certaines personnes afin qu'elles adhèrent à cette vérité. Hadi khiyan. Na'am. Ça, c'est une trahison. Cette personne-là n'a pas respecté le dépôt. Cette personne-là n'a pas respecté le dépôt. Et on a déjà entendu de nos propres oreilles. Et on a déjà vu de nos propres yeux des personnes qui s'affilient à la da'wah dire on s'occupe juste de ramener les gens à la mosquée. Là, s'il a une tamima, s'il a du shirk sur lui et tout ça, on laisse dans un premier temps pour pas faire fuir. Naam. Et ensuite, quand il va venir, à ce moment-là, petit à petit, subhanallah, il a hâte des shirk. L'un d'entre eux reste avec eux pendant des années. Il est rentré avec du shirk, il ressort avec du shirk. Mais si on regarde dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, balla al-risala wa adda al-amana, a parfaitement transmis le message. Et s'il avait cherché l'agrément des gens, il n'aurait pas raconté l'Isra. Isra et le Mi'raj, c'était une fitna pour les gens. Certains ont même délaissé le dîn. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Je ne vais pas raconter pour pas troubler certaines personnes » afin qu'elles restent? Non, il transmet ce qu'Allah azza wa jalla lui demande de transmettre. Et c'est un ibtila, un irtibar. Cette dunya, ce bas monde, c'est un ibtila, c'est un irtibar. C'est un test, na'am, et c'est une épreuve. Toi, tu dois transmettre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, avec science et avec sagesse. Et adapter ton discours à selon l'âge des gens, selon la connaissance des gens, selon le niveau des gens, wa hakada. Amma, le fait de trahir le message, fala. Une délégation est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont prêté allégeance. Et ils ont serré la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient environ 10. Arrivé au 10e, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retenu ça. Et ne lui a pas serré la main, n'a pas accepté de lui. Na'am. Alladhi ursila rahmatan lil alamin. Celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Celui au sujet duquel Allah nous dit en Coran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Celui dont Allah Azza wa Jalla nous dit cela, qui nous montre sa mansuétude, sa douceur, sa motivation quant à notre guidé. Malgré ça, il retire sa main. Pourquoi cela, mes frères? Quand on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, tu as accepté d'eux et pas de lui, pourquoi? Il a dit, il a une tamima. Il a un porte-bonheur, il a un gris-gris sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté de lui. Allah est bon, accepte que ce qui est bon. Inna Allah tayyibun la yaqbalu la tayyiba. Na'am. Hada l'islam, c'est un dîne pur, c'est un dîne parfait. Na'am. La yaqbal sha'ibat al-shirk. On n'accepte pas qu'il soit troublé par le polythéisme, on se tait sur ce faux. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté de lui. Parce que c'est pas bon. C'est pas payé. Allah azza wa jalla n'accepte pas. Et on cherche pas le nombre seulement. Il faut la qualité. Il faut la conformité d'avec le haqq. Puis cette personne a craqué la tamima, s'est défait de la tamima. À ce moment-là seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de lui. Ce groupe parmi Al-Ansar a écouté le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a penché vers le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une des causes que nous avons déjà citées. C'est que à Médine, il y avait Ahlul Kitab. À Médine, il y avait les gens du livre. Et les gens du livre leur disaient, il s'en faut de peu pour qu'un prophète sort, Naam, et c'est la période. Nous et ce prophète, nous vous combattrons. Qu'est-ce qu'il dit ça à qui? Ahlul Kitab, qui dit ça à Al-Ansar. Ahlul Kitab qui dit ça à Al-Ansar. Ahlul Kitab était plus proche du haqq que l'Ansar. L'Ansar c'était Ahlul Shirk. Et Ahlul Kitab avait un minimum d'héritage. Avait un minimum d'héritage de Isa, et particulièrement de Moussa. Car Al-Madina, c'était plutôt eux qui occupaient Mada, cette ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités à l'islam. Et ils se sont rappelés la parole des gens du livre qui leur disaient « Inna nabiyyan mab'uthan il-an » Les gens du livre leur disaient, il y a un prophète qui va sortir. C'est dans cette époque. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وسمعوا الإسلام نظر بعضهم إلى بعض. Quand ils ont entendu le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu les dires des gens du livre. Alors ils se sont regardés les uns les autres. Et se sont dit mutuellement, ta'alamuna wallah annahu la nabi. Vous savez certes par Allah que c'est le messager, ou bien le prophète, alladhi tad'ukum, auquel vous appellent les gens du livre, ou prétendaient la venue imminente, les gens du livre. فَلَاسْبِقَنَّكُمْ إِلَيْهِ. Que personne ne vous devance. C'est-à-dire, suivez-le, soyez les premiers à l'accepter. فَأَجَابُوا إِلَى مَا دَعَوْمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ. Alors ils ont accepté son prêche. Et lui ont dit, إِنَّا قَدْ تَرَكْنَا قَوْمَنَا. Ils lui ont dit, on a laissé derrière nous notre peuple. Et il y a un grand mal entre eux. Puis ils lui ont dit, on espère en cela qu'Allah les réunisse et les réconcilie par ta cause. C'est-à-dire, Al-Aws et Al-Khazraj. Al-Khazraj sont venus, ils ont écouté l'islam. Ils y ont adhéré et sont entrés en islam. Puis ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière nous, Al-Madina, il y a une grande guerre, il y a une grande division, il y a des grands problèmes entre l'Aws et l'Khazraj, et on espère que par ta cause, Allah va les réconcilier. Et subhanallah, هذا الذي وقع, هذا الذي تحقق من الخير. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a concrétisé par son bienfait, subhanahu wa ta'ala. Puis ils sont rentrés à Al-Madina. Et ils ont pris rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil mawsim. Et ils ont pris rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Hajj prochain. Parce que le Hajj, c'était le moment du regroupement de toutes les grandes tribus arabes. C'était le seul moment où tout le monde, un des rares moments où tout le monde était regroupé. Quand ils sont revenus à Médine, ils ont raconté à leur peuple ce qu'il s'est passé. Et ils les ont invités à l'islam. فَدَخَلَ الْإِسْلَامِ فِي بُيُوتِ الْأَنْصَارِ. Et l'islam est entré dans les maisons des Ansar. Aucune comparaison avec ce que l'islam a reçu comme accueil de la part de Quraysh. فِي الْمَدِينَ مَاذَا. Les poitrines se sont élargies pour l'islam. Et ils ont accueilli l'islam. Et ils ont adhéré à l'islam. Et certains ont dit qu'il n'y a pas une demeure chez l'Ansar sans que l'islam Mada y est pénétré. Et comme nous l'avions cité, une des grandes causes également de leur entrée en islam, c'est Harbu ou bien Yaumu Bu'ath. Naam, le jour de la grande bataille. Le jour de la grande bataille. Et c'est un endroit, comme l'a dit Ibn Hajar, ou bien rapporte Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Aïcha radiallahu anha nous rapporte donc, comme c'est dans le Bukhari, كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. Donc le fait qu'il y ait cette grande bataille et que beaucoup de têtes ont péri, ça a permis aux autres d'écouter cette vérité. Car souvent, ils suivent Al-Kubara, ils suivent les chefs, ils suivent les têtes, sans regarder ce que c'est la vérité ou c'est le faux. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. ربنا آتهم ضعفين. نعم, comme à la fin de Surat Al-Ahzab, qu'est-ce qu'ils diront يوم القيامة lorsqu'ils vont recevoir le châtiment? Ils vont invoquer contre leur chef qu'ils ont suivi dans Batil. Ô notre Seigneur, nous avons obéi à nos chefs ils nous ont égarés du droit chemin. Ô notre Seigneur, accorde-leur le double en châtiment. Accorde-leur le double en châtiment. Naam. Et cela ne sera d'aucune utilité. Ce n'est pas une excuse chez Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné l'aql, t'a donné la vue, lui, et ainsi de suite. Il a révélé le Coran, il a envoyé les messagers. Donc tu dois chercher le haqq. Ça ne suffit pas de te cacher derrière telle personne ou telle autre. Ou un tel dit, moi mon père, c'était un soufi, alors moi je suis tasawuf, wal'iyadu billah. هذا الضلال وبدع بل كثير منهم مشركون عياذا بالله نعم رضي من رضي وسخط من سخط نعم et certaines personnes disent moi mon père est dans le tasawuf ou dans le turuq alors moi je suis sur cela et tu lui exposes قال الله قال رسول الله il dit non إنا وجدنا آباءنا على أمة نعم ils disent non on a trouvé nos ancêtres sur une voie et on reste sur leur voie. Pas profitable. Tu dois être ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tes ancêtres sont ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'am, ni'ama, tu restes sur cela. Par contre, s'ils ne sont pas sur cette voie, tu dois t'en désavouer. Ka'in al-mankan. Et s'ils sont sur la voie, tu restes. Il n'y a pas de mal. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans surat Yusuf, واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يوسف عليه السلام قال: "ماشي sur la voie de mes ancêtres. Mais qui sont-ils? أهل التوحيد. أنبياء الله ورسله. إبراهيم. نعم. Son père يعقوب نبي. ابن نبي إسحاق. وابنه نبي. وأبوه نبي. إبراهيم. وهكذا. Par contre, si les ancêtres sont dans l'égarement, dans le polythéisme, dans le tasawuf, dans le turuqiyya et autres, tu n'as pas le droit de les suivre. Tu dois revenir vers le haqq, tu dois apprendre le haqq, mettre en pratique le haqq, et ensuite retourner auprès des tiens et leur exposer cette vérité avec science et avec sagesse, et tu patientes sur leur nuisance. Et tu patientes sur leur nuisance. Donc ils ont accepté l'islam. On tire de cela Fadlul Ansar. De tout cela, on tire quoi? Le mérite des Ansar. Et Inch'Allah Ta'ala, on citera leur manaqib, leur qualité, leur mérite, Inch'Allah Ta'ala. Et on voit que celui qui te soutient et te secourt au moment où tu en as le plus besoin a plus de mérite que les autres. A plus de mérite que les autres. Afwan. Par exemple, Al-Mubasharoun Biljannah. Par exemple, les dix promus au paradis. Naam, les dix promus au paradis sont venus dans l'islam au moment où les gens insultaient le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr a dit au prophète sallam, sadaqt, au moment où les gens lui ont dit kanabt. Ça a une place particulière. Le prophète sallam l'a cité à la fin de sa vie en faisant les éloges d'Abu Bakr. Khadija radiallahu anha, le prophète sallam ne l'a jamais oublié. Jamais une femme a réussi à prendre sa place dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle lui a accordé le soutien au moment où personne ne lui accorde. Parce qu'elle l'a cru au moment où personne ne l'a cru. Parce qu'elle l'a suivi. Elle a dépensé ses biens, son temps, son argent, sa santé pour le secourir dans sa da'wah. Ça, c'est une place que personne ne peut prendre par la suite. Alors, au moment où tout est lancé, au moment où tout est facilité, que les gens viennent sur le haqq, c'est un bien, mais ils n'ont pas le même mérite. Mais ils n'ont pas le même mérite. Naam, ils n'ont pas le même mérite. Lorsque Abu Bakr est parti faire da'wah à Quraysh, personne n'avait embrassé l'islam. Osman l'a suivi, Abdurrahman ibn Auf l'a suivi, Az-Zubayr l'a suivi. Il a un mérite particulier. Naam, il a un mérite particulier parce qu'ils ont subi ce que ceux qui viendront après ne subiront jamais. Naam, au jour d'aujourd'hui, tu vois les gens se plaindre. Naam, et ils te parlent des élections. Et ils sont connaisseurs des élections de chaque candidat. Et ensuite, il vient te poser une question dans le Pahar, Naam, que tout le monde a l'obligation de connaître à partir de 7 ans, ou à partir de la puberté. Il met des heures dans ces sujets-là. Et c'est qui va passer, c'est qui kana, et c'est qui kana. Il y a une fatwa, on peut pas. Et il reste, Naam, il reste sur ça, comme s'il lisait le Coran. Comme s'il lisait le Coran. Tayyib, ça a changé quoi dans ta vie? Ça a changé quoi dans ta vie? Naam. Tu as eu peur d'un changement dans ta dunya. Tu as eu peur d'un changement dans ta dunya. Amma Zizeddin, ça n'a pas été, cela n'aurait pas été l'agissement, notre agissement. Naam. Amma pour s'asseoir, tafakkum fi din. Amma pour s'asseoir et étudier son din, et étudier Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, qui est-ce qui donne du temps? Et qui est-ce qui accepte de discuter de cela? Et d'ouvrir les livres pour cela? Et de s'asseoir pour cela? Allah musta'an. Allah musta'an. Comme si une personne détenait dans sa main ton islam ou non. Allahu Akbar. Si telle femme passe, il n'y aura plus l'islam, il n'y aura plus qu'Allah, il n'y aura plus qu'Allah. Subhanallah. Des millions et des millions de musulmans et ils ont peur de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout seul. Et il avait tout le peuple contre lui. Tout le peuple contre lui. Et il n'avait pas le droit de dire la ilaha illallah et de se prosterner à la Kaaba. Qui t'empêche toi aujourd'hui de dire la ilaha illallah? Combien de fois tu le dis par jour? Combien de fois tu le dis par jour? Qui t'en empêche? La Kaaba, qui t'empêche d'aller à la Kaaba, de te prosterner et de faire dua? Il venait faire le tawaf. Abdullah ibn Saoud est venu à la Kaaba. Ils l'ont frappé, ils l'ont agressé, ils l'ont mis en sang. Et on l'a porté pour le sortir de là-bas. Abou Bakr, pareil. Qui t'empêche toi au jour d'aujourd'hui? Non, le souci c'est lorsqu'il y a les élections politiques. Allah musta'an. Allah musta'an. Il ne questionne pas sur l'aqidah, il ne questionne pas sur le tawhid, il ne questionne pas sur le fiqh, il ne questionne pas sur la sira. Et il questionne sur la politique. Il questionne sur la politique. Qu'est-ce que tu as fait dans la politique? Non, jusqu'à sur les manabirs des musulmans, ils parlent de la politique. Jusqu'à sur les manabirs des musulmans, ils parlent de la politique. Non, halan allamt an-nas dinahu. C'est pas mieux que tu enseignes aux gens leur dit. La cause de leur humiliation, c'est pas les élections. C'est pas tel candidat plutôt que l'autre. Non, c'est nos péchés. La cause de notre situation, c'est les péchés. C'est la cause, c'est quoi? C'est l'éloignement du ilm. L'éloignement du din, l'éloignement du ménage du prophète sallam, de sahaba. C'est le fait de ne pas apprendre son din, c'est le fait d'avoir fait devancer la dunya sur notre din. C'est le fait de dire, est-ce qu'il n'y a pas une divergence dans la mas'ala? Hein? Il n'y a pas une divergence? C'est ça la cause de la situation. Amma que tel candidat il passe ou tel candidat passe, na'am, c'est pas ça qui va t'élever fil jannah, na'am, ou te faire tomber fil nar, wal'iyadu billah. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا يَرَاجِعُونَ هَذِي مُصِيبًا. Ça c'est une calamité qui a touché beaucoup de personnes pendant cette période. Na'am. Et des gens se sont réjouis comme s'ils avaient obtenu des hasanat. Et des gens se sont réjouis comme s'ils avaient reçu la bonne annonce qu'ils avaient réussi Shahr Ramadan. Na'am. Certains ont chanté, certains ont dansé, certains ont fait du bruit. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Suite aux élections. Suite aux élections de qui? Allah musta'an. Allah musta'an. Et ensuite il rate des hasanat et ça ne le touche pas. Ça ne le touche pas. Il ne s'occupe pas de son hajj, il ne s'occupe pas de son sujoud, il ne s'occupe pas de tahara, il ne s'occupe pas de... Mais lorsqu'il s'agit des choses qui ne le concernent pas directement, à ce moment-là il dépense, il dépense, il dépense. Allah musta'an. On tire de cette qissa la détermination du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait qu'il ne faiblissait pas lors de l'épreuve. Il ne faiblissait pas lors de l'épreuve. Certaines personnes, lorsqu'elles reçoivent un coup dur dans la da'wah ou dans leur din, elles abandonnent. Naam, elles abandonnent, n'est-ce pas? Et lorsque tu lui dis pourquoi est-ce que tu fais plus de cours, par exemple, c'est un talib, il a étudié ou un kaza, il dit parce qu'ils parlent sur moi. Mais parce qu'ils ont menti sur moi. Ou parce qu'ils m'ont fait du mal. Ou parce que, là, il y a rien. هذه سنة الله في خلقه. Ça c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a décrété, c'est inéluctable. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayru minna. Il est meilleur que nous. Pourtant, il n'a pas été à l'abri de son peuple. Et des mauvaises paroles de son peuple. Et des agressions de son peuple. Et des mauvaises paroles de son peuple. Est-ce que pour autant il a délaissé la da'wah? S'il avait délaissé la da'wah, tu ne serais pas notre. Mais il endure. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas da'wah que pour les gens. Mais ton ikhlas, il fait que tu fais ça pour Allah Azza wa Jalla, tu cherches la récompense. Et tu fais cela par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. on voit la perversion de Abu Lahab d'entre les gens de Quraysh. Il était pire que beaucoup d'entre eux. Il était pire que beaucoup ou que la plupart de Quraysh. Parce que les gens ont un niveau dans le bien, tout comme ils ont des profondeurs dans le mal. Et on voit le comportement de Abu Lahab. Le comportement de Abu Lahab, il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marche derrière lui, l'insultait, mettant en garde contre lui, devant lui. Et il disait, ne le croyez pas, il est majnoun, ne le croyez pas, il va vous faire sortir de la religion de vos ancêtres, et ainsi de suite. On tire de cette qissa le sens de la ilaha illallah, que c'est le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah azza wa jal, et reconnaître que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. On voit l'épreuve des prédicateurs. L'épreuve des prédicateurs. C'est pour cela que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, au début de son livre Al-Usul al-Thalatha, nous dit i'lam, ou bien bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allum madha arba'i masail. Al-oula al-ilm bil adtayn, athani al-amal bih, athalitha ad-da'watu ilayh, ar-rabi'a as-sabr ala al-adaf. Et lorsque tu dis on va étudier usul al-Thalatha, ils disent on connaît ça. On connaît. L'un d'entre eux nous dit, on a déjà étudié, pourquoi est-ce qu'on l'étudie une deuxième fois? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parce qu'on a été écrit que pour ça. Parce que dans ça, il y a tout le khayr. Parce que c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé, pour le connaître. Pour appliquer, pour transmettre, pour endurer. Donc tu vois qu'après Ad-Da'wa, il y a quoi? As-Sabr al-Adaf. L'endurance dans le Ta'allum, l'endurance dans l'Amal bil-Ilm, l'endurance dans le Da'wa. Tout ça nécessite de l'endurance. C'est difficile. C'est difficile. Il faut être fort. Être da'i doit être qawi. On ne parle pas de force physique, supporter des coups autres. On parle de charsiya, de personnalité fort par Allah Azza wa Jal, fort dans l'aqida, fort dans l'ilm, fort dans l'amal, fort pour combattre le shahawat wa shubuhat. Na'am. Fort, ne pas suivre ses passions. Fort, ne pas chercher le groupe, rester ferme sur la vérité. Derrière, il doit supporter. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'on mentait sur lui. Et il savait qu'on avait fait telle et telle chose à ses bien-aimés. Il savait qu'on avait sali son honneur. Malgré ça, il allait vers ces gens-là et il les invite à la vérité. Et aujourd'hui, je trouve deux frères qui prient ensemble dans le masjid. Naam, lorsque l'un d'entre eux se dispute avec l'autre, il dit, je te pardonne pas, ou tu verras Yawm al-Qiyama, ou ce genre de paroles. Allahu Akbar. Comment est-ce que lui pourrait être un prêcheur? Il n'arrive pas à excuser son frère qui lui a fait un problème dans le dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne voyez-vous pas ici comment il a enduré, il a patienté sur son oncle et tous, surtout ses détracteurs de manière générale. On voit qu'une des méthodes utilisées par les détracteurs des gens de la vérité, c'est le fait d'utiliser le mensonge. Le fait d'utiliser le mensonge. Min asalib ahli al-batil didd ahli al-haq didd ahli al-haq al-isha'at wal-akadib. Parmi les piliers des détracteurs, des gens de la vérité, de ceux qui sèment le désordre, de ceux qui combattent la vérité et l'islam, c'est d'utiliser les rumeurs et le mensonge. Utiliser les rumeurs et le mensonge. Et on a déjà étudié ça. On a vu qu'ils ont dit sahir, majnoun, kazab, wa akada. Wal'iyadu billah. Na'am. Pourquoi? Pour tromper ceux qui ne le connaissent pas encore. Pour tromper ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est connu que les gens de Ahlul Bid'ah, les gens de l'innovation, la première étape, couper le lien entre le peuple et les savants de Ahlul Sunnah. Puis couper le lien entre les gens et les gouverneurs. Naam. Ceux qui préservent le dîn des gens et ceux qui préservent la dunya des gens. Naam. Et lorsqu'ils auront fait ils ont réussi cette scission, à ce moment-là, ils peuvent rentrer et jouer comme ils veulent, comme ils le veulent avec les rukhul des gens, et propager et dire ce qu'ils veulent comme faux dans le dîn. Changer le haq avec le batil et le batil avec le haq. Donc il ne faut pas se laisser tromper, il faut ça avoir des bases solides, saines. Quelles sont ces bases? Qala Allah قال رسول الله قال الصحابة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى دي إن أصولنا الدين باس من بودته القرآن السنة والصحاب ما كان عليه الصحاب الدين القرآن السنة سقوة الصحاب نعم et tout cela on le trouve dans le Coran de manière très explicite. Toi, tu dois avoir cette base. Ensuite, lorsque les informations te viennent, ne sois pas comme une éponge qui prend tout ce qu'elle rencontre. Tu dois filtrer. Ton cœur, c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Ne laisse pas entrer dans ton cœur tout et n'importe quoi. Ton chez-toi, tu n'acceptes pas tout le monde chez toi. Ton chez-toi, tu n'acceptes pas tout le monde. Ta pièce privée, encore moins. Que dire alors de ton cœur, qui est la chose la plus précieuse? Comment est-ce que tu laisses tout rentrer? Comme si c'était une poubelle, wal'iyadu billah. Non, tu dois filtrer. Ce qui est en adéquation avec la vérité, tu l'acceptes. Et tu dis sam'an wa ta'a. Et ce qui contredit le haqq, de qui que ce soit, tu le rejettes. Na'am, tu le rejettes. Et pour ce faire, il faut l'ilm encore une fois. Pour ce faire, il faut l'ilm. Donc les prédicateurs ne doivent pas être affectés au point de délaisser la vérité ou al-haq. De cette histoire, on tire une autre faïda, c'est que les prêcheurs, lorsqu'ils trouvent des portes fermées, ne doivent pas arrêter. Ils doivent aller chercher ailleurs. Même s'il faut voyager autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé à toutes les portes. « Ma ya'wini, hatta uballira kalam rabbi, fa inna quraysha mana'uni min tabliri kalam rabbi. » Qu'est-ce qui m'accorde le soutien, le secours afin que je transmette le message de mon Seigneur? Car certes, Quraysh m'a empêché de propager. Quraysh, c'est sa famille, c'est son sang. Ils l'ont interdit de faire da'wah, ils l'ont empêché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher de l'aide ailleurs. Et on voit ici que de faire les causes, ça ne contredit pas le tawakkul. Bien au contraire, ça en fait partie. Donc tu dois faire les causes, tu dois te déplacer, tu dois... Si on n'accepte pas ta da'wa ici, tu vas la faire ailleurs. Na'am. Et si une partie accepte ton prêche et l'autre partie n'accepte pas, tu patientes et tu transmets. Et hakada. Na'am. Wallahi. Des gens qui combattaient Ahl Sunnah au jour d'aujourd'hui, peut-être que c'est eux qui les font monter sur le minbar et leur donnent de l'eau. Na'am. Et qui les empêchent de partir. Pourquoi? Si tu patientes, et tu as la certitude dans la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tu marches derrière les pas des ulama de Ahl Sunnah, à l'image du Mufti Cheikh Abdel Aziz Al-Sheikh, à l'image du Cheikh Salah Al-Fawzan, et sachez qu'on peut dire Rahimahullah. Na'am, tu demandes la pitié sur la personne. Si ce n'est que ce qui arrive en premier lieu dans la tête des gens quand tu dis Rahimahullah, ils pensent qu'il est décédé. Na'am. Mais lorsque la personne est éternelle, alhamdulillah, tu dis alhamdulillah. Donc ça n'est pas destiné qu'aux personnes décédées. À l'image de Mahda al-Sheikh Abdul Muhsin al-Badr, à l'image de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, à l'image de Sheikh Ubayt al-Jabiri, hafidahumullahu ta'ala, et beaucoup d'autres ulama de Ahl Sunnah, que ce soit à Mecca, que ce soit à Al-Madina, que ce soit fil Jazair, Cheikh Farkous, Havidahullahu Ta'ala, Na'am, et d'autres parmi les ulama de Jazair, et d'autres parmi les ulama d'autres pays, Na'am, tu marches dans leur pas. Tu restes derrière eux. Na'am, tu connais ta place. Et Allah Azza wa Jal va bénir ton prêche. Allah Azza wa Jal va bénir cette da'wa. Et cette da'wa, c'est la da'wa d'Allah. C'est pas la da'wa de un tel ou de Fulan ou de Allah. Il dit, moi je pense, moi je fais, moi. Non. Si tu, à partir du moment où il dit, moi je, il va sortir du chemin des ulama, al-iyadu billah. Wallahu musta'an. Bay'atul aqabatil oula a eu lieu en l'an 12. Na'am. En l'an 12. Ils lui ont prêté allégeance. Nous avons dit qu'en l'an 11, ils sont venus. Puis ils sont repartis à leur peuple et ils ont pris rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quel moment? Fil mawsim. D'accord? Au moment de Al-Mawsim du Hajj. En quelle année? Thani Ashar. En l'an 12 de Al-Bi'atha. De l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 12 personnes parmi les Ansar sont venus pour faire le Hajj de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré une partie d'entre eux. Il leur a exposé l'islam, ils ont cru en lui et se sont convertis à l'islam. Et ils lui ont fait ma'adha wa bay'a'u, ils lui ont prêté allégeance, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahimahumallah. Et il y a le célèbre Hajj Ubada ibn Sa'd, qui faisait partie de ceux qui ont fait le Hajj cette année, na'am, parmi Al-Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte donc cela et nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ta'alu bay'uni ala an la tushriku billahi shay'a. Sur quoi ils ont prêté allégeance? Na'am. Ubada nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: venez, prêtez-moi allégeance quant au fait que vous n'associerez plus jamais rien à Allah. Sur quoi donc? Sur le tawhid. Sur la ilaha illallah. Wala tusriqu, wala taznu, wala taqtulu awladakum. Prêtez-moi allégeance sur le fait de ne commettre aucun politisme, de ne pas voler, de ne pas commettre la fornication, l'adultère, de ne pas assassiner vos enfants. Wala ta'tu bi buhtanin taftaluna bayna aydikum wa arjulikum wala ta'suni fi ma'ruf. فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a énuméré des points. Na'am. Ils doivent lui obéir, ne pas lui désobéir. Puis il leur a dit: celui qui s'acquitte de ses devoirs cités ici, sa récompense sera à Allah. Sa récompense sera accordée par Allah. Et celui qui aura commis quelque chose, c'est-à-dire qui n'aura pas parfaitement respecté cela, quant à celui qui aura désobéi dans quelques points, d'accord, et qu'Allah aura couvert, c'est-à-dire aura caché son péché, son ordre revient à Allah. Son ordre revient à Allah. Incha'a aqabahu wa incha'a fa'an. Si Allah veut, il le punira et le châtiera. Et si Allah veut, il lui pardonnera. Fabaya'u ala dhalik. Ils lui ont prêté allégeance sur cela. Et là, tu vois la bonne croyance et l'adéquation de la croyance de Ahl al-Sunnah avec al-Sunnah. C'est que sahibul kabira tahta mashi'atillah. Na'am. Man qadima ala Allah bi dhunubin duna shirk fa huwa tahta mashi'atillah. Donc ici on voit l'authenticité de la croyance des gens de la sunna concernant les gens des péchés et les gens des grands péchés. C'est que celui qui rencontre Allah yawm al-qiyam en ayant commis des grands péchés, il est sous la volonté d'Allah. Il est sous la volonté d'Allah, c'est un musulman, mais il s'est fait du tort. Il est sous la volonté d'Allah. On ne dit pas il va au paradis, on ne dit pas il va en enfer. Si Allah veut, il lui pardonne directement. On parle des gens qui arrivent chez Allah Azza wa Jal. Ils ne se sont pas repentis et ils ont fait des grands péchés. Ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il leur pardonne directement. Et il leur dit entrer au paradis. Par sa miséricorde et sa pitié. Et sa bienfaisance. Et s'il veut, il les châtie bi adlihi. S'il veut, il les châtie de par sa justice. S'il veut, il les châtie de par sa justice. Puis il les fera sortir de l'enfer et il les fera entrer au paradis. Et ce passage en enfer, c'est pour les purifier de leurs péchés. Car le paradis, c'est la maison de la pureté. C'est la demeure de la pureté. Et tu vois l'égarement des Khawarij et de Al-Murji'a. Tu vois l'égarement de la secte de Al-Khawarij et la secte de Al-Murji'a. Qui sont les Khawarij? Al-Khawarij, il y a la notion de khuruj, il y a la notion de sortie. Al-Khuruj, ça veut dire la sortie, c'est-à-dire ceux qui se rebellent contre l'autorité du gouverneur. Ils combattent les gouverneurs, ils disent que celui qui a des grands péchés, c'est un kafir. Et si c'est un kafir, ils disent on doit le tuer. Comme Ad-Dawa'i chez ces gens-là. Non. Premièrement, ils rendent halal le sang des innocents. Ils rendent licite le sang des innocents. Ensuite, ils sortent les armes, ils assassinent les innocents. Et ensuite, ils disent, on justifie cela parce qu'il est sorti de l'islam avec un grand péché. C'est ça l'ambiguïté et l'égarement de l'idéologie des Khawarij. Puis ils ont pris plusieurs appellations parce qu'ils se sont divisés. Non, ils se sont divisés, puis ils se sont divisés. Leur ancêtre était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a dit au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a partagé un butin, I'adil ya Muhammad fa inna kalam ta'adil. Celui qui a dit, oh Muhammad, sois juste, tu n'as pas été juste. Il se prénomme Dhul Khwaisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, malheur à toi, qui pourrait l'être si je ne suis pas moi-même juste. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que de sa descendance sortira des gens. Quand vous allez voir prier, vous allez mépriser vos prières. Quand vous allez les entendre lire le Coran, vous allez mépriser votre lecture. Mais leur lecture ne dépasse pas le gosier. Naam, ce sont des gens qui sont jeunes. Hudatha ou l'asnam. Naam, le prophète les a décrits par beaucoup de caractéristiques. Parmi leurs caractéristiques, ils rendent mécréants les gens par un tout grand péché. Parmi leurs caractéristiques, ils sèment le désordre sur la terre. Parmi leurs caractéristiques, l'ignorance et le fait de ne pas suivre les ulama. Parmi leurs caractéristiques, ils n'ont pas de savants à leur tête. Et Abdullah ibn Abbas, sallallahu anhu, leur a dit, Ali ibn Abi Talib l'a envoyé, il est parti débattre avec des milliers de khawarij. Mais qui était-il? Abdullah ibn Abbas, turjuman al-Qur'an. Un manierant, c'est interdit qu'il débat avec Ahlul Bida. On ne débat pas avec Ahlul Bida, on ne les écoute pas, on ne les fréquente pas, on ne parle pas avec eux, on ne les écoute pas, on ne mange pas avec eux, on ne prend pas place avec eux. Naam. Hadi min aqidati ahli sunnati wal jama'a. Abdullah ibn Abbas leur a posé trois questions et un tiers qui a fait tawbah. Il leur a posé trois questions. Il y a un tiers qui a fait tawbah. Ils étaient environ 6000, si mes souvenirs sont bons, 2000 ont fait tawbah. Parmi ceux-là, est-ce qu'il y a parmi vous un seul parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce qu'il y a un seul compagnon parmi vous? Ils ont dit non. Regarde ce asl, cette base, toujours revenir aux ulama, toujours revenir aux têtes, aux grands. Si tu vois qu'ils ne sont pas sur un chemin et que toi tu as pensé que c'était bien, c'est toi qui t'égares et non pas eux. Ça c'est une base très importante. Quand tu commences à avoir des idéologies erronées, tu commences à t'éloigner des ulama, des grands savants, sache que tu entends t'égarer. Parmi ceux qu'ils font, le fait de se réunir en cachette et le fait de dire qu'il y a des choses qu'on peut citer en public et il y a des choses qu'on cite en privé. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas comprendre. Alors on le dit qu'entre nous. Non. Et ils font des groupuscules et ils s'égarent les uns les autres. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils s'éloignent de leurs parents, méprisent leurs parents. Certains ont même mécréant leurs parents et on a vu même certaines personnes assassiner leurs propres parents. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Qatalahumullah. Qatalahumullah. Wa akhzahumullah. Azza wa jal. Ces gens-là, na'am al-khawarij, ont plusieurs appellations. Na'am al-khuruj, ici on les appelle par l'action de leur bid'ah. Des fois on donne le nom de la secte par rapport à une personne. Comme al-jahmiya, par rapport à al-jahmi ibn Safwan. Na'am. Comme al-asha'ira, par rapport à Abu al-Hassan al-Ash'ari, puis il a fait tauba. Na'am, et c'est al-kullabiya par la suite. Quant à lui, il a fait tauba. Na'am. Et d'autres ces actions, comme qui? Al-shi'a par rapport au tashayyu. Naam. Comme Mada al-Mu'tazila, du fait qu'ils se sont éloignés de l'Hassan al-Basri, i'tazala, par rapport à, par exemple, al-Rafida, Rafadu Abna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ahfad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rafida, al-Rafida, c'est le fait de rejeter. Donc chaque secte a un nom, a une histoire. Naam, et c'est important de connaître quelques points concernant cela. Naam, c'est important de connaître quelques points concernant cela. Pourquoi? Pour s'en préserver. Pour s'en protéger. Naam, amma que tu en fasses une base et que tu délaisses le bien au point de parler que du mal, non. C'est pas ça la voie des prophètes et des messagers. T'apprends le bien et tu l'appliques. T'apprends le mal et tu t'en préserves. C'est ça le juste milieu. Ni tu prends que le bien et tu dis, moi je m'occupe pas du mal, écoutez pas le mal. Hada, laissa bisahir. Ça contredit le Coran. Naam, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. C'est la fin du Coran. من شر الوسواس الخناس. Mis en garde contre le waswas al-khannas, le shaitan. Ouais, t'apprends le bien, tu l'appliques. T'apprends le mal, tu t'en préserves. Ça, c'est le wasatiyya, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Al-khawarij, parmi ceux qu'ils font, Naam, parmi ceux qu'ils font, le fait de rendre égarés les grands ulama et de les insulter, de les dénigrer et de dire d'eux qu'ils sont des munafiqoun, wal'iyadu billah. Et le fait de dire d'eux ce sont des umala, ce sont des gens au service du pouvoir, ou ce sont des gens qui ont vendu leur dîme pour la dunya et ce genre de paroles. Et ce genre de paroles. Parmi leurs caractéristiques, le fait de parler sur les gouverneurs, sur les manabir, le fait de parler sur les gouverneurs et de remplir de haine le cœur des croyants contre les gouverneurs et contre les ulama. Si tu vois quelqu'un parler sur les gouverneurs, sache que c'est quelqu'un qui a des signes de Ahlul Bida. Et si tu vois quelqu'un faire des du'as pour les gouverneurs, sache que c'est un signe qu'il est min Ahlul Sunnah. Au temps des pieds prédécesseurs, on gardait le khatib. Si il faisait du'as pour le gouverneur, on disait il est min Ahlul Sunnah. S'il parlait sur les gouverneurs, on disait il est min Al-Khawarij. Donc il y a une réfutation contre cette secte qui, en mécriant les tout croyants, part à grand péché. Il y a l'autre extrême qu'on appelle Al-Murji'a. Qui sont Al-Murji'a? Al-Murji'a, Arja'a, ça veut dire Akhara. Arja'a, ça veut dire mettre en retrait, prendre du recul ou mettre en retrait. Pourquoi? لأنهم أخروا الأعمال من مسمى الإيمان أو عن مسمى الإيمان. Parce qu'ils ont mis en retrait les actions dans l'appellation de la foi. Eux disent que les actions, ça ne fait pas partie du iman. Salat, tout ça, ce n'est pas du iman. Et ils disent que l'iman, c'est qu'une parole, ou bien c'est que certifier, c'est que dire c'est la vérité, c'est que croire dans son cœur. D'autres, certains disent c'est que le cœur. Tu crois, t'es un croyant. D'accord? Donc, dans ce sens-là, alors Abu Talib, c'est un croyant. Non? Si on dit que c'est tasdiq, alors Iblis, c'est un croyant. Parce qu'il a cru en Abdi, il a fait du'a, il a demandé à Allah Azza wa Jal, il y croit, il sait qu'il va avoir yawm al-qiyam. D'autres ont dit non, c'est pas que le cœur, c'est le cœur avec la parole. D'autres ont dit non, c'est que la parole. Alors pour eux, les munafiqoun, ce sont des croyants. Parce que les munafiqoun, ils ont fait shahada. Ils prient même, ils font même des actions. Non, al-iman qawlun bil lisan, wa a'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'at al-Rahman. وينقص بمعصية وطاعة الشيطان. الإيمان c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, des actions avec les membres. Ça augmente quand tu obéis à Allah et ça diminue quand tu lui désobéis et tu obéis au shaytan. C'est ça l'Iman, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et Al-Murji'a dit qu'on a tous le même Iman. Le plus grand pervers et Jibril ont le même iman. Et que, quelle que soit l'action commise par le croyant, il sort pas du deal et ça ne fait pas baisser sa foi. À partir du moment où il croit en cette vérité, khalas, plus rien ne lui nuit. Voilà. Il vole, il fait, c'est un croyant complet. Parce que pour eux, l'iman, c'est une seule chose. C'est une seule chose. Et tout cela réfuté avec un seul hadith. Al-Iman bid'un wa sab'una shu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'an at-tariq. Wal haya shu'batun min al-iman. Dans ce simple hadith, le Prophète sallam a réfuté tout ça. Il nous montre que c'est une parole, la ilaha illallah. Une croyance, avec le haya, c'est dans le cœur. Et imatatul adha 'an at-tariq, c'est les actions. Et il nous dit a'laha et adnaha. Ça montre qu'il y a une foi forte et une foi faible. Un seul hadith. Un seul hadith et tu en caduques Al-Khawarij, tu en caduques aussi la voix de Al-Murji'a. Al-Murji'a appelle à Hadmuddin, en réalité ils appellent à enlever tout le din. À enlever tout le din. Ils ont eu l'accisme à un point tel qu'ils se sont rendus tout perdus. Naam, ça c'est quelques points de Al-Murji'a. Al-Khawarij sont venus en premier temps, dans un premier temps, Al-Murji'a sont nés de cet extrême. Souvent quand il y a un extrême, l'autre extrême prend naissance. Certains veulent combattre l'extrémisme, ils tombent dans l'autre extrême. Naam, ils tombent dans l'autre extrême. Et toi, tu dois être dans le juste milieu. Tu dois être dans le juste milieu. Qala Ubadah ibn Samit, كما ذكر ابن هشام بسند حسن, تبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. Certains savants ont dit ces deux histoires. Parce que Bay'at al-Nisa, ça c'est venu bien après. Cela est venu bien après. Ça, c'est pour Fath Mekka. Ubayatul al-Aqaba. Tayyib, pas la première. Il fut dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux Mus'ab ibn Umayr, un jeune qui était très bien, très pur envers sa mère, et lorsqu'il s'est converti à l'islam, elle l'a boycotté et l'a forcé à délaisser l'islam. Elle était riche, elle lui a coupé les vies, et lui il a choisi de vivre dans l'islam pauvre, à fois que de vivre en dehors de l'islam avec toutes les richesses de sa famille. Il fut dit que cet homme a été envoyé à Al-Madina pour enseigner le Coran et enseigner l'islam. Mais, et qu'il était dans la maison de As'ad ibn Zurara. Mais, certains savants disent que ce hadith n'est pas authentique. Non, qu'il n'y a pas de chaîne de transmission, bien que ça n'est pas authentique. Et parmi les premiers, il y a eu Ka'b ibn Malik. Il y a eu qui? Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Et ils ont fait pour la première fois Al-Jumu'ah. Pour la première fois, ils ont fait Al-Jumu'ah. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on détaillera cela. Suite à leur conversion, lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils ont fait da'wah et beaucoup de gens sont rentrés en islam. En islam. Et concernant la prière du Jumu'ah, il fut dit qu'ils étaient 40 personnes. Ils étaient 40 personnes. Beaucoup de gens se sont convertis et ont embrassé l'islam. Et parmi ceux qui sont entrés en islam et qui ont été la cause de la conversion de beaucoup de gens après eux, il y a eu Sa'd ibn Mu'adh. Pourquoi? Parce que c'était un Sayyid dans son peuple, c'était un des chefs de son peuple. Ou Sayyid ibn Hudayl, Sa'd ibn Mu'adh. Ces gens-là avaient une grande place dans leur peuple. Quand ils sont entrés en islam, beaucoup des Ansar sont entrés par la suite en islam parmi les hommes et parmi les femmes. Au point certain, on dit qu'il n'y a pas une maison sans que l'islam ne soit entré parmi l'Aous ou bien l'Khazraj. Ensuite, Inch'Allah, on arrive à l'an 13. On arrive à l'an 13 de l'Bi'atha. Naam. Et il y a eu Bay'atul Aqaba al-Thaniya. Il y a eu la deuxième allégeance. Et juste après, un des plus grands événements chez les Arabes et dans l'islam. Lequel? Naam. Al-Hijra. Al-Hijra. Donc, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on finira rapidement sur Al-Bay'a al-Thaniya. Et ensuite, on expliquera, Inch'Allah ta'ala, Hijratul Nabi sallallahu عليه وسلم وما أدراك ما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.